Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Demain ouvrira à Cannes la 71e édition du Festival international du film. C'est pourtant un cinéaste fort peu cannois que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pier Paolo Pasolini a fait beaucoup de bruit en son temps et on peut dire d'une certaine manière que ce brouhaha a un peu desservi certains de ses grands films. Nous allons essayer de lui rendre justice cet après-midi avec Alain Rioux. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous conduira sur les traces de Pasolini. Et quant à moi, je reviendrai sur les origines des termes belle-mère, beau-frère, belle-sœur, etc. Des conventions sociales qui, d'une certaine manière, auraient sans doute un peu irrité Pasolini. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes sur la plage d'Ostie au matin du 2 novembre 1975. Ostie, c'est à une petite quarantaine de kilomètres de Rome. Une passante qui est là sur la plage tombe sur un cadavre. Mais alors un cadavre en charpie. Il s'agit de la dépouille de Pier Paolo Pasolini, le plus célèbre, le plus controversé des poètes et cinéastes de son temps, qui vient donc d'être littéralement massacré dans cette nuit de la Toussaint. Il avait 53 ans. Pier Paolo Pasolini est une figure très marquée de l'Italie des années 60-70. Il est d'une certaine manière un artiste total, poète, romancier, polémiste, et ô combien cinéaste, évidemment, journaliste. Ses œuvres sont mondialement connues, mais mondialement choquantes, en tout cas pour une grande partie du public. En résumé, il secoue l'opinion publique, il la divise, sa parole est libre, certains la trouvent vulgaire ou aux limites de la vulgarité, d'autres très vraies. Sa vision de la vie est souvent dure, âpre, on pourrait la qualifier aussi d'hyper-réaliste, tout dépend du point de vue, bien entendu. Pasolini s'attaque frontalement à cette bourgeoisie qu'il n'arrive pas à digérer, si je puis dire, et il voit partout les traces d'une idéologie fascisante. N'oubliez pas dans quel contexte tout cela s'inscrit. On est dans l'après-guerre, où l'Italie a mis une espèce de chape de plomb sur les années du fascisme et où le communisme est extrêmement développé, extrêmement important, dans une société par ailleurs, ouverte sur l'Amérique, sur la société de consommation, et qui accuse et qui creuse les inégalités. L'assassinat d'un tel homme ne peut que créer une onde de choc, est-ce que vous imaginez? Vous avez les pro-Pasolini qui crient au règlement de compte et qui disent que tout ça est un règlement de compte politico-mafieux, etc. Et puis les anti-Pasolini qui considèrent que l'auteur, le cinéaste, a récolté ce qu'il avait semé. Et ce qu'il avait semé, selon eux, c'est la haine, la division, toutes sortes de choses malsaines. Vous voyez que le malaise est grand, bien entendu. Il est grand en Italie, on pourrait dire qu'il est grand un peu partout dans le monde. Son ami Alberto Moravia, l'écrivain Moravia, déclare le 6 novembre, donc quelques jours après, c'est le jour de ses obsèques, une société qui tue ses poètes est une société malade. Alors qui est-il, cet objet du scandale? Pier Paolo Pasolini était né en 1922 à Bologne, il est né le 5 mars 22, d'un père militaire, son père était lieutenant d'infanterie, il se prétendait noble, sa mère était institutrice, Susanna Colussi, et elle était originaire d'une famille de très modestes paysans du Frioul. Le Frioul, on est à l'extrême nord-est de l'Italie. Et toute sa vie, Pier Paolo va être attaché à cette région de sa mère, à cette langue qu'on y parle, le Frioulan, à tel point d'ailleurs qu'il rédigera ses premiers poèmes en frioulant. Ça permet en quelque sorte, ça autorise les ruptures, ça offre des âpretés nouvelles. À 7 ans, Pier Paolo éprouve le besoin de faire des vers comme Rimbaud, précise-t-il. Toujours cette idée de rupture, rupture. Son premier recueil, il le dédie comme une provocation, non pas à sa mère, il est très proche de sa mère, amour fusionnel. Il le dédie à son père, avec lequel il n'aura cessé d'entretenir les relations les plus conflictuelles qui soient. Son père mourra d'une cirrhose en 1958. Je cite Pasolini lui-même. J'ai ressenti l'amour pour ma mère très, très profondément et tout mon travail en a été influencé, une influence dont l'origine est au fond de moi. Alors que tout ce qu'il y a d'idéologique, volontaire, actif, pratique dans mes activités d'écrivain dépend de mes luttes avec mon père. C'est issu d'un entretien avec André Fieschi dans les Cahiers du cinéma en 67. Donc de ces combats intimes va naître un sentiment mêlé de révolte et d'exaltation, si vous voulez, avec des querelles violentes entre ses parents, avec les premières étreintes sur la grève du Tagliamento, avec un jeune garçon qui s'appelle Bruno, avec la perte de son frère cadet Guido, qui va jouer un rôle très important. Son frère est mort, il était membre d'un mouvement de défense du Frioul italien, vous savez, tout près de la frontière yougoslave, il est tué par des partisans de Tito, alors qu'il avait 19 ans. Dans ses œuvres, Pier Paolo Pasolini va s'afficher communiste, homosexuel et chrétien. Tout ça est quand même, vous voyez, le cocktail, si je puis dire. C'est un anti-bourgeois, comme il y en a eu tellement dans l'après-guerre, un anticonformiste, un défenseur des opprimés. C'est en tout cas comme ça que lui se décrit. Et on peut dire que déjà tout est en place. Vous l'avez compris, il y a les pros et les anti-Pasolini. Et personne entre les deux. Vous êtes pour ou vous êtes contre, d'une certaine manière. Pour certains, il est le diable en personne, subversif, etc., provocateur. Et puis, pour d'autres, il est le courage, il est la clarté, la luminosité. Dans Enquête sur la sexualité, il va à la rencontre des Italiens de la rue. Et il y va micro en main, en 64, à une époque où le moins qu'on puisse dire est que ça n'était pas évident. Et il les fait parler, ces chrétiens et ces bourgeois, si je puis dire, de l'Italie, qu'il considère lui comme très corseté dans son âme chrétienne, justement. C'est-à-dire que le christianisme de Pasolini n'est pas le christianisme de la démocratie chrétienne. Voilà, on doit pouvoir dire ça d'une certaine façon. Il leur fait parler de choses intimes. Pasolini va mettre au cœur de son combat la poésie et le cinéma. Le cinéma conçu comme une poésie, d'une certaine manière. Vous savez que la poésie, ça vient du grec poiein, hein, c'est la création pure. Poésie faite d'argot, de mots crus. Il met en scène des mauvais garçons, des relations troubles. Tout ça sans tabou, avec des scènes brutales, parfois très crues. Il va revisiter l'évangile selon saint Matthieu, nous aurons l'occasion d'en parler, bien sûr. Le mythe d'Œdipe, enfin vous voyez, tous les grands textes fondateurs. Médée, bien sûr, avec la grande Maria Callas. Le Décaméron de Boccace et tant d'autres texte. Il a beaucoup travaillé d'une façon générale sur la littérature médiévale aussi. Bref, il fait scandale, il est audacieux, il est subversif, mais surtout, et moi c'est ce qui m'a toujours fasciné chez ce créateur, il est assez inclassable, disons-le. Il crée ses propres références. On est dans l'Italie des années de plomb, vous savez, dans une société divisée donc entre des communistes très virulents et des démocrates chrétiens très comme il faut. Tout ça sur fond de terrorisme, n'oublions jamais, hein. Et bizarrement, Pasolini se sent, si vous voulez, responsable de son époque. Tout dans la poésie pouvait avoir une solution, dira-t-il. Il me semblait que l'Italie, sa description, son destin dépendait de ce que j'en écrivais. Vous imaginez là, si ça c'est pas un écrivain et un cinéaste engagé. Au poète, la mission civique de dénoncer les abus des puissants, l'utilisation de méthodes qu'il considère comme des méthodes fascistes. C'était aussi ça la phraséologie communiste de l'époque. Bref, il dénonce l'imposition par les puissants de modes de vie d'esclaves aux petits et aux sans-grades. Attaque en règle donc, qui est certes artistique, esthétique même, mais qui dérange beaucoup de monde, évidemment. Dans les milieux conservateurs, on déteste Pasolini. Il est attaqué à chaque sortie de romans, de films, d'articles, traîné en justice à 34 reprises par des spectateurs ou des lecteurs qui se sont sentis attaqués dans leurs convictions profondes. Il est accusé d'attouchement sexuel sur mineurs en 49, et acquitté, je précise. Il est accusé de vol à main armée en 62, et acquitté. Une fois de plus, Pier Paolo est un homme qui se cabre. Plus on l'entrave et plus il tente à se libérer. Et donc, en 75, justement, il termine un film qui devrait encore en choquer plus d'un. Une adaptation d'un roman de Sade, Les 120 jours de Sodome ou l'école du libertinage, vous savez, écrit très peu de temps avant la Révolution française par le divin marquis qui à l'époque se trouvait à la Bastille. Œuvre transposée dans l'Italie fasciste de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce tout dernier réduit mussolinien qu'a été la République de Salo, et ça va s'appeler Salo, S-A-L-O, Salo ou les 120 journées de Sodome, une véritable bombe artistique et idéologique. Una voce poco fa, j'ai entendu une voix en italien. C'est issu de l'opéra du Barbier de Séville, composé par Rossini, à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire du réalisateur de films Pasolini, Une vie de combat, et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie du réalisateur de films Pasolini. Nous sommes à la veille d'un moment crucial dans sa carrière. Son film Salo ou les 120 journées de Sodome, vous venez de nous en parler, doit sortir dans quelques semaines. Sa réputation sulfureuse le précède. Hein. Pasolini a déjà tout montré dans ses films. Il n'en est pas à ses premières audaces. Qu'est-ce qui rend ce film encore plus gênant que les autres pour une certaine frange de la population? Tout. C'est un concentré de choses choquantes, ce film. Vous imaginez d'abord les mauvais souvenirs, souvenirs relativement frais, du pire moment de l'épopée, si je puis dire, mussolinienne. Bien sûr, la référence directe à Sade, au sadisme, au masochisme, considéré comme un des beaux-arts, d'une certaine manière. Beaucoup de nudité frontale, beaucoup de scènes d'humiliation. Enfin, vous imaginez. Et puis alors, en août 1975, les deux dernières bobines du film, ce qui correspond donc à la toute fin, à son apothéose, si vous voulez, les deux dernières bobines sont volées. Et ce qui est troublant, c'est que ça a eu lieu dans les studios de Cinecittà, hein, le grand studio habituel de Rossellini, Antonioni, Comencini et autres Fellini. Tout ça fait du bruit, bien entendu. Est-ce qu'il s'agissait d'un avertissement adressé à Pasolini? Est-ce qu'il s'agit d'un piège, d'une certaine manière? Tout le monde sent bien qu'il est en danger. Or, cet homme-là est un intellectuel, c'est certain, c'est un cérébral, mais c'est aussi un sensitif, un instinctif, c'est quelqu'un qui dévore la vie. C'est aussi un sportif qui aime le football, qui fréquente les borgate, ces bidonvilles peuplées de ragazzi, vous savez, de mauvais garçons dont beaucoup se prostituent. Hein. Et dans son premier roman, d'ailleurs, qui était paru en 58, s'appelle Ragazzi, il raconte la violence du quotidien de tous ces garçons des rues. Bref, ça lui fait énormément d'ennemis, tout ça. Dites-vous qu'à seulement 53 ans, Son œuvre littéraire occupe quelques 10 volumes. Il a publié des centaines d'articles, de tribunes sur la domination indue de la bourgeoisie, sur la société de consommation, sur les milieux d'extrême droite qu'il accuse d'avoir infiltré les institutions de l'Italie dite démocratique, etc. Bref, quand je vous dis que ça lui fait des ennemis, on peut dire que l'artiste le plus controversé du moment pourrait en quelque sorte faire figure de bouc émissaire. Et d'ailleurs, il le recherche, ce risque, d'une certaine manière. Il l'aime, il le cultive. Voilà ce que nous dit son cousin Nico Nadini. Une phrase hein, pour résumer la fin de Pier Paolo, je le cite. « Moi, je le vois comme une victime. » C'est son cousin qui parle. « Quant à savoir si une victime s'érige elle-même en victime, ça c'est une autre paire de manches, on entre sur le terrain de la psychanalyse. Mais c'était une victime qui s'offrait pratiquement à ses bourreaux, comme s'il avait quelque chose à expier. » Vous voyez qu'on n'est pas très loin des thématiques que je viens d'évoquer dans le scénario de Salo ou les 120 journées de Sodome. Nous voilà donc le soir du 1er novembre 1975, quelques heures avant la mort de Pasolini. Alors, voilà ce qui s'est officiellement passé cette nuit-là. Je dis bien officiellement. Pier Paolo est allé dîner avec un ancien amant qui s'appelle Ninetto Davoli. Accompagné de sa femme d'ailleurs, le Ninetto Davoli, il les a quittés, s'est promené en ville du côté de la Piazza Cinquecento, à Cinquecento, je ne sais pas si je vais y arriver, à Rome. Et puis comme à son habitude, il a retrouvé là eh bien, un certain nombre de jeunes hommes tarifés, si je puis dire, hein, comme Pino Pelosi, qu'on surnomme la grenouille, un gamin de 17 ans, qu'il fait monter dans son Alfa Romeo gris métallisé, direction donc la plage d'Ostie, qui se trouve à 36 km de là, après un petit souper dans une trattoria, la trattoria Pomidoro. C'est là que les derniers témoins ont vu le cinéaste vivant. Donc on arrive à Ostie, près d'une décharge avec des cabanons ouverts à tous les vents. On est en 75, vous voyez un peu l'ambiance de tout ça. Ça, évidemment, si l'on en croit Pino Pelosi, Pier Paolo aurait tenté de le violer. D'où une bagarre, le cinéaste s'écroule au sol après avoir pris un mauvais coup de planche. Le jeune homme panique, prend le volant de l'Alfa Romeo, il en perd le contrôle et il tue le cinéaste en lui roulant dessus. C'est en tout cas la version qu'il donnera et qu'il va maintenir pendant tout le temps des interrogatoires et de l'instruction. Du procès. À l'évidence et au regard de l'état du corps, ça ne tient pas debout. Il ne s'agit ni d'un accident ni d'une simple rixe entre deux hommes. Voilà ce que nous dit René de Secati dans sa biographie, je cite « Suicide à peine masqué pour certains, complot politique pour d'autres, faits divers fortuits pour d'autres encore ou malheureux concours de circonstances, la fin de Pasolini devait être pour tous les observateurs l'occasion de graves malentendus. » Et c'est vrai que sur un événement comme celui-là, on a dû en publier quelques sottises en novembre 1975. Alors, l'enquête commence, hein, évidemment, on va trouver les traces de, on va trouver des traces de massacre littéralement sur le corps. Tout ça fait dire que il y a autre chose qu'une simple bagarre qui aurait mal tourné. Et il y a eu acharnement sur le corps de Pasolini. On a déchiqueté Orphée, ou plus exactement, on a mis fin à la vie du bouc émissaire. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de ce réalisateur de films, journaliste, écrivain, poète, Pier Paolo Pasolini. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Vous pouvez également partager vos souvenirs de films de Pasolini. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Pier Paolo Pasolini. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez sa carrière, mais aussi sa mort. Oui, nous allons revenir évidemment avec Alain Rioux sur bien tous sûr. Ses grands films. Là, pour l'instant, je vous raconte sa mort, effectivement. Ouais, effectivement, il est mort dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d'Ostie, près de Rome. Et pour l'instant, personne ne sait de quoi et comment. Non, mais son corps est couvert d'ecchymoses, de plaies sanguinolentes. Le crâne a été enfoncé, le cœur a éclaté. Enfin, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Vous voyez bien que c'est pas juste une petite bagarre. Bah non. Et d'ailleurs, notons que sur le corps du jeune homme de Pino Pelosi, rien, pas de bleu, pas de coup, pas de griffure, pas de goutte de sang quand même. C'est un peu énorme, vous avouerez. Les enquêteurs ont également retrouvé des vêtements de couleur verte qui ne pouvaient appartenir à aucun des deux hommes, un briquet, une semelle orthopédique même qui a été laissée là par ceux qui ont fait la besogne. Alors qui, Qui était là cette nuit-là? Les juges eux-mêmes ont douté de la version qui pourtant sera officiellement reconnue et qui enverra Pino Pelosi en prison pour la peine maximale prévue, d'ailleurs, 9 ans et 10 mois de prison. Il était mineur à l'époque, donc on ne pouvait pas le condamner davantage. Et on va évoquer des complicités, mais on ne les cherche pas, les complices, c'est quand même un peu énorme. Dans Poésie en forme de rose, Pasolini s'exclame « Je suis comme un chat brûlé vif ». C'est lui qui écrit ça. Un chat brûlé vif, écrasé sous les roues d'un gros camion, pendu par des gamins à un figuier, mais avec encore 6 des 7 vies qu'il possède, comme un serpent réduit en bouillie de sang, une anguille à moitié dévorée. Donc cette thèse, vous l'aurez compris, cette thèse retenue, celle du crime sexuel et accidentel, ne tient pas. À sa sortie de prison, 9 ans plus tard, Pino Pelosi va faire des révélations, parce qu'il dit qu'il n'a plus peur que les deux complices qu'il va désigner à ce moment-là sont morts, etc. Ce sont, d'après lui, les frères Borsellino, qui sont membres du mouvement social italien, un mouvement néo-fasciste, et qui auraient donc perpétré le massacre. La thèse du crime politique est donc à ce moment-là relancée, mais elle est relancée sans éléments probants autre que ce témoignage tardif et de toute façon parcellaire. Donc on peut chercher les coupables effectivement dans ces milieux néo-fascistes ou dans des milieux financiers également proches du pouvoir. Il faut quand même savoir que dans son roman Enquête, un roman qu'il était en train d'écrire au moment de sa mort, Pasolini, le roman en question s'appelait Pétrole, et il s'en prenait à l'industrie du pétrole, on est en 75, ah. Et en particulier à la compagnie nationale Eni. Vous voyez que ça commençait à gêner vraiment beaucoup de monde. Il avait l'air de dire qu'il détenait des éléments sur l'assassinat de l'ancien PDG d'Eni, Enrico Mattei, haute personnalité italienne. Donc tout ça commençait à devenir vraiment gênant, à mon avis. Enfin, je dis à mon avis, je n'en sais rien, somme toute, mais il est très probable qu'on ait décidé de faire tuer celui qui, de toute façon, à travers le film qu'il s'apprêtait à lancer dans le public, était allé trop loin, d'une certaine manière. Le film de trop, me direz-vous. Pino Pelosi, le meurtrier officiel de Pier Paolo Pasolini, est mort en juillet 2017, et il a, comme on le dit, et c'est la formule consacrée, emporté son secret dans sa tombe. Bonjour Alain Rioux. Nous allons dans un instant revenir sur l'œuvre, bien sûr, et notamment sur les grands films de Pasolini. Mais avant cela, réglons la question de la mort. On a l'impression que cet homme met tout en œuvre pour y aller vers cette mort, hein, comme s'il fonçait à tombeau ouvert lui-même vers sa propre mort. Oui, absolument. C'est une façon de... C'est un homme vraiment très chrétien. On ne peut pas comprendre... Très chrétien, Très, très chrétien, c'est-à-dire... Et tout l'enseignement de la chrétienté, le fond absolu de la chrétienté, c'est le pardon. Et c'est le plaisir. Et qui dit le pardon, dit évidemment le péché. D'où un très grand intérêt pour les pécheurs. Et peut-être un pécheur lui-même. Et le pardon et la transcendance, c'est fondamental. Pour lui, la poésie, c'est le sacré. Vous dites chrétien, est-ce que le terme christique ne serait pas encore plus adapté d'ailleurs? Oui, vous avez raison. C'est un christianisme hyper originel et très fondé d'ailleurs comme par hasard sur l'évangile de Matthieu, hein, qui est le texte le plus dru, si je puis dire. Oui, mais alors l'originalité, le premier coup d'originalité formidable de Pasolini, c'est d'avoir mis tout simplement la passion de Bach, La Passion selon saint Matthieu, sur son film Acatone, qui est l'histoire d'un petit souteneur, d'un petit proxénète qui va essayer justement de se repentir, qui n'y arrivera pas. Et ça a fait un choc extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde en a été un petit peu. Les chrétiens traditionnels d'Italie ont trouvé ça scandaleux. Les communistes étaient du beurre. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette religion là-dedans? Ça a été en fait, il avait l'art de déplaire à tout le monde, finalement. Oui, mais alors ça a été tellement spectaculaire, cette invention sonore, que Scorsese l'a repris totalement. Et s'il y a un cinéaste qui doit beaucoup à Pasolini, c'est Scorsese, qui a aussi parlé de voyous un peu dérangés qui cherchent le sacré. Alors je vous sens impatient d'entrer dans l'œuvre du maître, et nous le sommes avec vous. Simplement, pour clore le chapitre de cette mort, est-ce qu'on pourrait parler d'une dimension sacrificielle, quasiment d'un suicide en quelque sorte? Le suicide étant interdit par la religion, il est possible que ce soit... Enfin, il a vraiment pris énormément de risques. Alors là, ça devient très complexe, parce que est-ce que ce suicide n'a pas aussi une dimension légèrement esthétique? C'est-à-dire, il y a, c'est quand même, c'est quand c'est il se artiste. Décrit lui-même complètement défiguré par la violence, finalement, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Oui, absolument. Mais il y a dans ce suicide quelque chose. Il y a un orgueil quand même chez Pasolini, et je crois qu'il s'en veut de cet orgueil. Mais vouloir avoir une mort extraordinairement spectaculaire, cruelle mais spectaculaire, qui est un petit peu une garantie. Une garantie qu'on ne l'oubliera jamais. C'est un côté Hérostrate, vous savez, qui est Hérostrate, l'homme qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, pour être certain qu'on parlera de lui et son œuvre. C'est un point final à une œuvre. Vous compariez ça avant que l'émission ne commence un peu à la fin d'Oscar Wilde, toute proportion gardée dans des circonstances extrêmement différentes. Mais il y a cette volonté en quelque sorte de se sacrifier, de se brûler oui, soi-même. C'est-à-dire que Wilde, moi j'ai une théorie qui est peut-être un peu littéraire sur Wilde, mais Wilde décide que sa vie doit être un chef-d'œuvre. Or, c'est un homme fêté de tous les côtés, qui est adoré, qui est adulé, qui est mondain, qui n'a pas un ennemi. Il n'a pas l'onction du martyr. Et il va s'en fabriquer un en allant de lui-même provoquer un marquis ultra-puissant qui est le père de son amant, et ça va se terminer de la façon la plus désastreuse. Et je pense que la vie lui dit, tu veux que ce soit un chef-d'œuvre, il faut que tu aies une fin spectaculaire et tragique. Et cette fin spectaculaire et tragique, ce sera celle de Pasolini. Absolument, et c'est également celle de Pasolini, c'est-à-dire un besoin d'exister au-delà de la mort. Alors cet écorché vif, cet homme tourmenté, en même temps hanté par une forme d'esthétisme, nous y venons dans un instant, il est un grand créateur, on parlera peut-être pas beaucoup du poète cet après-midi, mais assurément nous allons beaucoup parler du cinéaste. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la bande originale du film Des oiseaux petits et gros, signé Pasolini, une musique composée par Ennio Morricone. On parle de cinéma aujourd'hui et on parle d'un réalisateur avec une très très forte personnalité que nous allons découvrir grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez le journaliste spécialiste de cinéma Alain Rioux. Et un intellectuel, un créateur difficile à classer. Nous disions tout à l'heure qu'il arrive à déplaire à peu près à tout le monde. Il est christique incontestablement, il est homosexuel et ça se voit à chacune de ses prestations. Et en même temps... pétri de contradictions, si je puis dire. C'est un nœud de contradiction, ce Pier Paolo Pasolini. Oui, c'est un homme qui se cherche lui-même, qui essaye de... Ce qui est très curieux, c'est d'avoir fait à la fois de la poésie, du... Il est entré un peu par hasard dans le cinéma. Oui, au départ, il était professeur, d'ailleurs. Oui, il a été professeur et communiste, puisque quand on n'était pas, dans les années, à la fin des années 40, quand on n'était pas dans la démocratie chrétienne, voilà, on était communiste automatiquement. Il a eu des ennuis, parce que les comédies, ils s'entendaient pas non plus avec aucune hiérarchie. Et comme il a eu quelques, on l'a accusé d'avoir un petit peu dragué un jeune homme, il n'était pas drôle. Je m'appelle non plus, l'affaire les communistes. Demeure. Oui. Les communistes italiens n'étaient pas drôles, donc là, il a pris sa distance. Et quand il est venu à Rome, ça a été pour lui, il a été nommé professeur à Rome, ça a été pour lui un événement formidable. Il a couru les banlieues, pas du tout parce qu'il y a des beaux jeunes gens, encore qu'il y en ait, mais... parce que ça lui paraissait le vrai peuple, le vrai... Et c'était le peuple de Rome, c'est-à-dire que le fameux peuple, au sens mythique, antique du terme, c'est ce qu'il cherchait, d'une voilà, certaine manière. Absolument, c'est-à-dire que, c'est quand je dis que c'est le sacré, Pasolini, c'est pas seulement la religion catholique, loin de là, c'est la mythologie. C'est, il pense que la seule chose qui puisse sauver l'humanité... C'est un contact avec le rêve, avec un désir de devenir saint, un désir de sainteté qu'on trouve parfaitement dans la ville dans les banlieues de Rome, surtout ces jeunes gens s'essayent toujours à la vertu. S'il y a un poète qui ressemble à Pasolini en tant que poète, c'est Verlaine, qui perpétuellement et c'est, qui est un pêcheur, qui est également, qui a les mêmes penchants, je ne peux pas dire les mêmes vices, mais exactement les mêmes penchants que Pasolini, et qui lui, chaque fois, dit « mais je vais y renoncer, je ne vais plus dévoyer des jeunes gens, je ne vais », et qui va en prison, et chaque fois, il retombe, et c'est un petit peu, et il se remotive. Chez Pasolini, la différence, par exemple, une des différences avec Verlaine, c'est que lui n'est pas un enfant des villes. Il se veut l'héritier de cette tradition du Frioul qu'il a de sa mère et qu'il va importer dans Rome. Et tout ça crée un style très particulier. Hein. On est, faut dire qu'on est dans ce laboratoire, si l'on peut dire, des années 40 et 50, où tout était permis quasiment. Où tout est permis d'une part et où d'autre part les littérateurs cherchent une nouvelle littérature. Ils ont l'impression qu'on a tout dit en France, ça va être le nouveau roman. Bien sûr. Et là, d'ailleurs, il est frioulien, mais quand même d'une petite ville, et il apprend, comme si on apprenait le breton aujourd'hui pour écrire dans la langue de ses parents, il va apprendre le furlan et lorsqu'il arrive à Rome, il va rencontrer ces jeunes gens un peu voyous et il va apprendre systématiquement leur argot. Et ces voyous, il va en devenir une sorte d'expert, ce qui fait que lorsque le cinéma s'intéresse à cette faune-là, eh bien c'est à lui qu'on fait appel pour donner des conseils, d'une certaine manière. Oui, c'est Fellini le premier. C'est comme ça qu'il est entré, pour le Cabiria de Félix, Les Nuits de Cabiria. Et il est devenu, et il a trouvé dans le cinéma, d'abord un double avantage, c'est que ça lui permettait de gagner un peu d'argent et de faire vivre sa mère, de la faire revenir. Donc, avant d'être cinéaste lui-même, il est scénariste. Tout à fait. Et il n'a pas cherché, mais il est devenu par hasard. Alors, il va écrire pas mal de scénarios. Il va retravailler sur la Dolce Vita avec Fellini. Et puis, un metteur en scène s'appelle Bolognini. Il va devenir un petit peu son metteur en scène principal. Donc, c'est lui qui a fait Les Jeunes Maris. Mais Les Jeunes Maris, d'après un roman de Pratolini, c'est-à-dire qui s'intéresse vraiment le cinéma italien, à l'époque, s'intéresse à son peuple. Jusque-là, ça a été ce qu'on appelait les téléphones blancs. Avant, c'est-à-dire des bourgeois qui se téléphonaient, qui avaient des malheurs, Les téléphones de bourgeois, blancs au cinéma, on va tout à fait servir Popesco chez nous. oui, c'est ça. Et là, on va devenir, c'est absolument contemporain de la Nouvelle Vague, et les premiers films écrits par Pasolini vont être joués par des Français, très souvent, puisque le cinéma français-italien a été lié. Vous avez Terzieff a beaucoup joué, Brialy a énormément joué, et ce sont de beaux films. Et Les Garçons, la Nuit des Maris, dont il est... pas La Nuit des Maris, Les Jeunes Maris. Les Jeunes Maris, les Jeunes Maris, c'est le film pour lequel il a le prix de Cannes, justement. Oui. 58, prix du scénario, en fait. Oui. Donc, dans un premier temps, scénariste pour d'autres cinéastes, d'une certaine manière. Et il va très vite être obligé de travailler pour lui-même, parce que ce qu'il a envie de raconter, aucun autre n'est capable de l'endosser. Oui, bien sûr. Et il est un petit peu agacé, il faut bien le dire, par le côté... Bolognini, par exemple, avait un côté, était surnommé l'étalagiste. C'est-à-dire qu'il faisait quand même un peu trop de belles images, et lui, il voulait que ce soit directement... Il s'en fiche des belles images, mais... La pureté, la force... La force, la pureté, et c'est très, très, très... Alors, il est comparable à Godard pour ça, c'est-à-dire on lui dit mais maître, vous ne pouvez pas raccorder ces deux plans, ça va choquer, l'image va sauter, je m'en fous. Et il les fait, et c'est comme ça que Godard a inventé À bout de souffle, et c'est comme ça que Pasolini en Italie a inventé Acatone, qui révolutionne le cinéma. Acatone, alors on va parler évidemment du Décaméron, on va parler bien sûr de Théorème, le chef-d'œuvre. Avant, il y a une petite, c'est-à-dire toujours ce désir, c'est des désirs un petit peu de mise au point. C'est-à-dire qu'avec Acatone et Mamma Roma, il devient, évidemment, tous les communistes, la gauche mondiale, la gauche européenne, en fait une de ses idoles. Or, il considère qu'il n'est pas du tout un progressiste pour lui, donc il va faire contre sa réputation l'évangile selon saint Matthieu, qui est une splendeur. Franchement, c'est son plus beau film. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous racontez la vie faite de succès et de combats hein, de Pasolini cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck, le spécialiste de cinéma, le journaliste Alain Rioux qui est avec nous. Et puis des auditeurs qui réagissent. Certains connaissent très bien Pasolini puisque Pascal nous dit sur Facebook: n'oubliez pas d'évoquer la séquence hommage sublime sur les lieux du meurtre de Pasolini dans le film de Nanni Moretti, Journal intime, avec la non moins sublime musique de Keith Jarrett. Oui, bien sûr. Un très beau film, du reste. Et belle évocation. Nanni Moretti, est-ce qu'on peut dire que Nanni Moretti, en tant que chef de file de la, du cinéma italien actuel, est un des héritiers mais, de Pasolini? Écoutez, il a un point en commun avec Pasolini, c'est la liberté. Voilà. Ce film, il le fait en scooter, il se balade dans les rues de Rome, c'est-à-dire il ne s'interdit rien. Et il a raison. Alors, il ne s'interdit rien. Il y a chez Pasolini cette volonté de s'approcher d'une forme de pureté. Et vous nous parlez depuis le début de la dimension chrétienne, christique. On en était à l'Évangile selon saint Matthieu, qui est un film tout à fait comme il faut, si je puis dire. Ah oui, oui, c'est un film, mais c'est un film d'une grande simplicité, d'une grande beauté, sans rien d'hollywoodien. Jusque-là, tous les films, on ne sait pas pourquoi, tous les films un peu religieux étaient ou saint-sulpiciens ou hollywoodiens. Et là, on a vraiment l'impression d'être au milieu. Il va aller chercher des paysages. D'ailleurs, il va aller en Israël pour essayer de trouver des paysages, en Palestine, des paysages de l'époque. Et puis, ça a changé, il y a des constructions. Et il les trouve dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Et c'est un film qui est couronné par l'Office catholique. Mais c'est quand même à juste titre. Oui. C'est quand même inouï de la part de Pasolini. De la part de Pasolini, c'est-à-dire que bon, les membres de l'Office catholique ne connaissent peut-être pas tout à fait le passé. Mais le film est bon, mais ils ont aussi, c'est pas des imbéciles, ils ont couronné aussi Buñuel, oui, Nassarine, bien sûr, des gens de beaux films. Il est fier, de... lui, de cette récompense ou mais, oui, chose, il ouais. en est fier, mais en même temps, il en est furieux. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il a peur qu'on ne le comprenne mal. C'est-à-dire, et pour ma femme... qui a été élève, je vous le dis, qui a été élève d'une institution religieuse provinciale dans les années 60, a vu les bonnes sœurs tomber amoureuses du Christ de Pasolini. Le film 10 fois, emmener leurs élèves voir le film 10 fois, et alors là, il va réagir, ça ne lui plaît pas, il se dit... Mais d'autant plus que c'est le même qui a fait cette espèce de reportage dans les rues là, qui s'appelle Enquête sur la sexualité. Hein, donc... Oui, bien sûr, oui. Oui. Et donc, alors là on ouvre les vannes, au contraire. Et c'est là qu'il fait l'enquête, qui est un film dont la qualité est la franchise, c'est-à-dire il va demander au prêtre s'il se masturbe, il va demander aux choses comme ça, ce qui est... Aujourd'hui, d'ailleurs, ça paraîtrait tout à fait normal, paraîtrait scientifique. Mais à l'époque, c'est tout simplement scandaleux. Et alors, il fait un petit film aussi très intéressant qui s'appelle La Ricotta. Mm-hmm. C'est dans un film à sketch. Donc c'est le sketch d'un film plus général. Oui, c'est le sketch d'un film qui s'appelle Rogopag, qui est fait par Rossellini, Godard, Gregoretti et Pasolini. Rogopag, la première syllabe. Et c'est l'histoire du tournage d'un film dirigé par Orson Welles où on montre la passion du Christ, la mise en croix. Or, le figurant qui doit jouer le bon larron, qui est un homme miséreux, on lui donne un panier repas et il le donne à sa famille qui est venue le voir et qui a faim. Et avec son indemnité, il achète un peu de fromage blanc, vous savez, la ricotta. Mm-hmm. Et puis, comme il a le trac, etc., fait qu'il en mange trop, et on le met en croix et il meurt d'une indigestion. Et le Pasolini nous explique, nous fait nettement comprendre que le vrai Christ d'aujourd'hui, c'est cet homme. C'est ce bon larron de cinéma. C'est ce bon larron. Alors, évidemment, ça choque à nouveau énormément les catholiques qui se croyaient amis avec Pasolini. Et en outre, ça démontre chez Pasolini un côté, quand même, c'est qu'un humour. Et le cinéma, pour lui, c'est la part d'amusement qui lui manque. C'est en cela qu'il a quelque chose de médiéval. Oui. Moi, j'aime bien ces films médiévaux. Tout à fait, il a cet esprit un peu légèrement gouailleur, toujours un peu ironique, un regard ironique sur la vie et les choses. Décaméron. C'est très, très... on est directement près du peuple. Avant d'en venir aux trois grands, très grands films, et puis il faut qu'on aille quand même un peu vite, un mot sur mai 68, parce que quand on dit qu'il est inclassable, il s'en prend, il est totalement contre mai 68, il faut le dire. Il est totalement contre mai 68 et en particulier parce que il est pour les CRS. Mais non. Il est pour les CRS qui sont des enfants du peuple, ce qui est vrai, contre les insurgés qui sont selon lui des bourgeois, petits ou grands, comme les oiseaux, petits ou gros. Et voilà. Mais ça ne plaît pas et en plus il va prendre parti violemment contre l'avortement. Alors voilà, donc ça voilà. Le rapproche du milieu conservateur. Voilà. D'autant plus que dans Les oiseaux petits ou gros, il s'oppose au Parti communiste. Oui, là, oui, tout à fait. Avec un mot peut-être de ce film, avec Ninetto Davoli. Oui, alors c'est Ninetto Davoli et Toto, qui était Ferdandel. Pour les Italiens, c'était vraiment, c'est un grand Claude, c'est un grand comique. Et alors, ils font du chemin, et c'est un film d'ailleurs, il ne se passe pas énormément de choses, mais qui est une polémique... sur la trahison des communistes. Enfin, c'est une curiosité très pittoresque et avec des oiseaux, des corbeaux qui figurent. Mais ça, c'est la forme de poésie, de vraie poésie tendre, parce qu'il y a une tendresse. Moi, finalement, quand j'ai commencé à m'intéresser à la demande de Franck de revenir un petit peu sur Pasolini, j'avais des réserves sur Pasolini. Et à cause plus de Salaud et les 120 journées, oui, notamment, qui fatiguent tout le monde. Et maintenant, j'ai une vraie tendresse pour lui. Et avec Toto, il va faire un délicieux petit sketch encore qui s'appelle « Que sont les nuages ?» dans lequel il joue une marionnette dont on ne veut plus, qu'on jette à la poubelle et puis qu'on jette sur une décharge publique. Et il voit le ciel, il est avec une autre marionnette qui découvre les nuages, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il dit « Ah, ce sont des nuages, n'est-ce pas que la création est magnifique ?» Et justement, autre film christique, alors là, au carré, c'est Théorème. Oui, alors là, Théorème, c'est on peut pas aller plus loin parce que c'est un ange. Mm-hmm. Le héros de Théorème est un ange qui va totalement faire exploser une famille traditionnelle. Qui va par la sa faire beauté, exploser. Simplement. Oui, par sa beauté et sa... son absence de tabou, ouais, on peut le dire aussi. Et on revient à la chrétienté d'origine. Et ne trouvant pas d'ailleurs dans le catholicisme tout ce qu'il désire comme mysticisme, il va s'intéresser énormément à la mythologie et à Médée. Et donc ça, c'est Maria Callas que nous entendions tout à l'heure. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il va engager Maria Callas pour faire un film dans lequel elle ne chante pas. Mais c'est tout à fait, c'est encore la liberté. Une provocation. C'est même pas, pour lui, c'est pas une provocation. Pour lui, ça paraît naturel, elle incarne une forme de beauté, elle incarne une forme d'éternité. On ne devrait pas dire qu'une dame dépasse, traverse les âges, mais c'est la beauté méditerranée, c'est la beauté antique. C'est l'antique éternelle. C'est l'antique éternelle, et ce qui est beau, c'est que Maria Callas, d'abord, accepte tout de suite ce projet, en sachant qu'elle n'y chantera pas, et ensuite devient amoureuse de Pasolini. C'est très beau, elle n'a pas encore connu Onassis. Un amour sans retour, forcément. Un amour impossible. Un amour impossible. Nous terminerons, si vous le voulez bien, sur cet amour impossible. Merci infiniment, Alain Rioux. Dans un instant, nous allons suivre Lorena Martin sur un certain nombre des lieux qu'a fréquenté Pier Paolo Pasolini. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Pier Paolo Pasolini sur Europe 1. Il est temps maintenant d'aller sur ses pas à Rome, au cœur de la capitale italienne, avec Lorena Martin. J'imagine, Lorena, que vous n'êtes pas allée fréquenter les quartiers des ragazzi à Rome. Rassurez-moi. Non, je vous rassure. C'est pas votre genre, Lorena. Donc, vous l'avez dit, Pasolini n'était pas romain, mais il est arrivé donc dans la capitale en 1950, à l'âge de 28 ans. Et c'est dans cette ville qu'il a tourné pratiquement tous ses films, et notamment dans le quartier de San Lorenzo et Il Pigneto. Mm-hmm. C'est vraiment la Rome que l'on voit dans ses films, ces quartiers périphériques, un petit peu de banlieue, à la population vraiment marginale. Alors, San Lorenzo, tout près de la grande gare mussolinienne, Termini. Termini, voilà, c'est ce quartier qui a été tristement célèbre parce que c'est la seule zone de Rome qui a été bombardée par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour certains, c'est un quartier assez populaire, malfamé. Pour d'autres, c'est plutôt un quartier vivant à recommander pour sa vie, notamment nocturne, et son foisonnement culturel. On y trouve beaucoup d'associations étudiantes, artistiques, politiques, et beaucoup de bars, bien sûr. C'est vraiment la nuit nocturne. Justement, je parlais de la Trattoria Pomidoro tout à l'heure, ça se trouve là. Parce que c'est l'un des restaurants préférés de Pasolini, qui est tenu par la même famille depuis les années 1920. Et c'est, paraît-il, dans ce quartier et puis dans cette trattoria, qu'il aurait pris son dernier dîner. On peut parler aussi du restaurant Albiondo Tevere, qui est dans un autre quartier qui s'appelle Ostiense, c'est beaucoup plus au sud, à l'ouest, mais c'est là où il aurait dîné la veille, donc c'est différent. En tout cas, voilà. Si l'on veut aller retrouver Pasolini dans le quartier d'Il Pignetto, où est-ce qu'on le trouve ? Alors, on a surtout le Necidal 1924, je vais le dire en français. Voilà. C'est plus facile. Et c'est l'ancien QG de Pasolini. Et c'est là qu'il a tourné une grande partie de son film Alcatone, dont vous avez longuement parlé au début des années 60. Et il a vraiment eu un coup de cœur voilà, pour ce quartier un petit peu en dehors des canaux officiels. Et vous avez eu un coup de cœur pour un site internet. Incroyable, pasoliniroma.com. Et c'est un site qui avait été créé en fait au moment de l'exposition et rétrospective Pasolini à la Cinémathèque française, fin 2013. Il vous permet d'aller sur toutes les traces de Pasolini à Rome et ses faubourgs. Vous disposez d'une carte interactive de Rome sur laquelle vous pouvez cliquer sur des points qui sont tous accompagnés de légendes très complètes avec des photos, des extraits de films, de livres, des citations. C'est vraiment une mine d'or et d'étape en étape, on peut découvrir tous ces lieux magiques qui sont liés à Pasolini. Merci beaucoup, Lorraine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, ça c'est un retour aux origines qui va concerner beaucoup de personnes, parce que vous allez nous dire d'où vient l'emploi du mot beau. Dans le vocabulaire, il y a la famille belle-mère, beau-frère, belle-sœur, ça vient d'où? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Si vous savez tout, Franck, j'en suis sûr. Non, je ne sais pas, disons, ce qu'on peut dire, c'est que tout ça remonte au moment où l'on fixe le vocabulaire, hein, on va dire au Moyen-Âge, aux alentours du 10e siècle. Et le beau en question, quand on dit beau-frère ou belle-sœur, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique de la personne, ça veut dire gentil frère ou gentille sœur d'une certaine manière, ou charmant. Vous savez, au XIIIe siècle, Joinville rapporte que Saint-Louis s'adresse à son propre fils en l'appelant bio-fils. Bio, ça veut dire mon d'une certaine manière, ou gentil, c'est un terme d'affection simplement. Et à partir du XIVe siècle, apparaissent donc ces mots beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère. Dans son dictionnaire étymologique de la langue française, Albert Dauzat note que l'ancien français utilisait alors les termes d'origine latine tels que fillastre pour beau-fils, marastre pour belle-mère, parastre pour beau-père. Le suffixe astre, âtre, si vous voulez, peu à peu a pris un sens péjoratif. Oui, regardez ce que ça donne avec marâtre, tout simplement. Exactement. Donc on préfère belle-mère, hein, évidemment. J'étais sûre que vous nous donneriez une réponse. Quoique. Voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, je plie, je trie, je range. On met de l'ordre dans la maison, également dans nos têtes, et vous allez voir qu'il y a du boulot. C'est vrai que ça va de pair. Merci beaucoup Isabelle. Nous nous retrouvons demain à 14h sur Europe 1, Anissa. Oui. Demain, vous allez nous raconter l'histoire étonnante d'un homme qui a travaillé et pour Hitler et pour Roosevelt. À demain sur Europe 1.